Bonjour, nous y sommes. Cargo Cult, ben heureux de vous retrouver pour ce qui est cette 7e semaine de Cargo Cult. Et un spécial, 1er mai, youpi, on peut rester chez nous et tout. On va tous en profiter, bien sûr. On s'était quitté la semaine dernière avec le disque le plus convivial que j'ai pu passer dans cette sélection. 3 Feet High on Rising. C'était bien sûr le sublime hip-hop Flower Power 2.0 de Dolla Soul. Voilà, je vais y arriver. Alors, je vous avais aujourd'hui, le taux de convivialité du disque dont on va parler, lui, est juste au niveau zéro. Je vous avais demandé de choisir, et donc c'est presque un disque à la demande dont il s'agit aujourd'hui, entre le DOA de Throbbing Gristle et le Metal Machine Music de Lou Reed. Eh bien, c'est Lou Reed qui a gagné avec son Metal Machine Music. Oui, parce que le DOA de Throbbing Gristle, lui, a un taux de convivialité largement supérieur, au moins d'1,5 sur l'échelle de 100, pourrions-nous dire. Voilà, alors trêve de plaisanterie, même si on pourra parler quand même avec un peu d'humour, de distance, voire de détachement du disque qui va suivre, parce que Metal Machine Music est, qu'on le veuille ou non, un disque éminemment culte, et c'est même le disque dont a toujours rêvé Lou Reed. Et alors, déclaration qu'on doit prendre peut-être avec des pincettes, il est, dit-il, son disque préféré. Alors, allons spoiler directement et révélons tout de suite un peu là où le disque fait mal. C'est que Metal Machine Music est un disque de bruit complet. C'est un double album avec 4 faces de bruit absolu, c'est-à-dire du feedback. Le principe du feedback, je peux le rappeler vite fait, hein, mais là-dessus, c'est l'essence même du feedback, d'avoir une guitare qui est posée face à un ampli, les micros à donf, donc forcément un phénomène de boucle, de réinjection, qui crée ce fameux Larsen, qui est d'habitude l'anathème de n'importe quel ingénieur du son et dans n'importe quelle condition qu'il soit. Oui, mais voilà. Le bruit est passé par là. Le feedback, finalement, c'est peut-être la signature du rock'n'roll depuis ses débuts, et cela bien avant 1975, l'année de parution de Metal Machine Music. Mais là, effectivement, changement de paradigme radical, suicide commercial évident, ce Metal Machine Music de Lou Reed paraît alors que Lou Reed est à son firmament. On est en 1975, c'est le 5e album de Lou Reed. Et quels albums? Alors, 5e album en 3 ans d'ailleurs, ça montre un peu comme le bon est prolixe. Transformer, évidemment, le classique des classiques, c'est le premier album en fait hein, de Lou Reed, et il est produit par Bowie, ça on connaît l'histoire. Lui succédera Berlin, qui pour les grands fans est peut-être le meilleur disque, et puis voilà, arrivent les autres, Sally Can Dance, Rock'n'Roll Animal, et puis ce 5e disque, Metal Machine Music, un double album. C'est très rare à l'époque de faire un double album qui ne soit pas un disque live. En général, le double album, c'est... Okay, c'est un double album radical, au concept radical. Alors, quand paraît ce disque-là, Lou Reed est au top de sa popularité. Il est adulé, tout comme détesté, par la presse spécialisée américaine. Et je ne peux pas m'empêcher de commencer cette histoire en racontant celle qu'écrit Lester Banks. Lester Banks, c'est le journaliste rock par excellence hein, dans l'Amérique des années 70. C'est un fan absolu de Lou Reed et il déteste aussi Lou Reed. Bref, et puis il y a un jeu comme ça de course-poursuite pratiquement entre les deux qui en fait se respectent plutôt pas mal. Et dans Cream, les colonnes de Cream, dont Lester Banks est le rédacteur en chef, il campe le personnage Lou Reed ainsi. Lou Reed est un pervers, complètement dépravé, un pathétique nain mortifère et tout ce que vous voudrez penser qu'il est. Par-dessus tout cela, c'est un menteur, un talent gâché, un artiste toujours entre deux marées, un mercanti qui vend sa propre chair, un pouce au crime qui exploite le léninisme débile d'une génération 70s qui n'a pas même l'énergie de se suicider. Petit clin d'œil au Rock'n'Roll Suicide de Lou Reed, à mon avis. Et il poursuit. Lou Reed est le type qui a donné poésie, dignité et rock'n'roll au smack, au speed, à l'homosexualité, au sadomasochisme, au meurtre, à la misogynie, à la passivité alcoolisée et au suicide, avant de se renier en replongeant dans le bourbier pour transformer tout ça en monumentale plaisanterie de mauvais goût dont il serait lui-même l'objet. Belle plume, Lester Banks. Rock'n'roll, on le serait à moi. Je reciterai probablement Lester Banks à travers quelques citations comme ça, et notamment des entretiens qu'il a pu avoir avec Lou Reed. Mais alors, retour sur Metal Machine Music. Ce maudit, malsain, mal-aimé, on ajouterait méchant disque de Lou Reed. La pochette est ambiguë. On commence par le disque, par ce qu'on voit, et non pas ce qu'on entend. Elle est très belle, de fait, avec une typographie justement très, très métallique qui donne le ton, et Lou Reed qui campe là comme une espèce de héros en avancée de sortie de scène. Ce qui fait qu'on peut penser qu'il s'agit d'un disque live. Et quand on retourne la pochette, quand on est sur le verso de la pochette, là, on voit Lou Reed justement camper face à un micro, donc en position de chanteur, en position super scénique. Mais voilà, ça n'est pas le cas. Le contenu est bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce noise. Le mot noise n'est pas dans l'air à l'époque, hein. C'est pas encore une esthétique, ça va le devenir, hein, très très vite en fait. Et on verra comment finalement ce disque est complètement charnière à ce niveau-là. C'est le disque de bruit qu'on connaît, avec cet exergue d'ailleurs, hein, que Lou Reed dit lui-même, hein. « Most of you won't like this, and I don't blame you at all ». Et c'est dit dans les notes de pochette du disque, c'est-à-dire la plupart d'entre vous ne vont pas aimer ce disque-là, et je ne peux pas leur en vouloir. Lou Reed d'ailleurs a ajouté qu'il connaissait personne qui était capable d'écouter ce disque en entier, pas même lui. Bah, on va prendre un peu justement Lou Reed au mot, et justement, moi je vous incite, je vous engage, je vous oblige, je vous force, oui je le peux, j'ai ce pouvoir, à écouter Metal Machine Music en entier. Et je le fais moi aussi. Moi, ma rencontre personnelle avec Metal Machine Music, puisqu'autant y mettre un petit peu d'aventure personnelle, elle commence par un disque d'occasion dont personne ne veut. C'est-à-dire qu'au tout début des années 80, enfin à l'époque post-punk, en 79-80, vous achetez ce disque opus pour 5 balles. Voire vous l'embarquez pour rien du tout en achetant 3 autres disques à côté. Personne n'en veut. C'est quand même un disque qui s'est vendu. C'est Lou Reed, c'est RCA derrière, c'est une major. Donc c'est pas un disque super absolu collector qui s'est fait à 2000 copies. Non. Il s'est vendu au bas mot 5000 copies, il n'a rien que sur le marché américain, donc je pense que sur le marché mondial, il y a dû avoir pas mal de ventes. Alors ok, beaucoup moins que n'importe quel autre album de Lou Reed, ça certainement. Mais ça explique que le disque, que j'avais pu l'acheter en occasion pour 5 balles à l'époque. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Voilà. Maintenant, lisons un petit peu les notes de pochette pour comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Elle mente pas. Enfin, elle triche un peu, mais elle mente pas. Et justement, elles enlèvent cet équivoque. Et le verso donne une liste de matériel absolument spécifique. Voilà, un Sony demi-pouce, un UR un quart de pouce, ça c'était les enregistreurs, toute une série d'amplis, alors notamment 5 Peggy Marshall à tube, voilà. Bon, et ou encore des Arbitor Distressor, pédales d'effet, donc empruntées en fait au modèle qu'utilisait Jimi Hendrix, différents préamps, etc. Bon, je reviendrai sur ces noms-là parce qu'il y a un petit peu de fake derrière, mais on n'en est pas encore. Là. L'intérêt est que Lou Reed met effectivement en avant le studio. En tout cas, ce qui va être pour l'enregistrement de ce disque, son home studio. Le disque est fait chez lui, à Manhattan, dans son loft de Manhattan. Donc c'est un disque en soi... fiefement rebelle et punk, parce qu'on n'a pas besoin d'un studio pro, on n'a pas besoin d'un ingénieur du son au sens propre où on l'entend. Puisque, je rappelle le principe de ce disque, et vous allez vite l'entendre dès les premières notes qu'on écoutera tout à l'heure, c'est du feedback, c'est du Larsen continu. Ok. Mais, ce Larsen s'inscrit un petit peu quelque part. Vous allez être étonné, et dans la mesure du possible, je vais vous demander de l'écouter au casque, de constater qu'il y a quelque chose d'extrêmement, même si c'est peut-être par hasard, d'extrêmement composé dans cette affaire-là. Et là, je rentre dans une phase de réhabilitation de ce disque. On l'a trop souvent présenté comme une immense provocation, c'en est une, de toute façon. La rumeur dit d'ailleurs que Lou Reed voulait complètement splitter son contrat avec RCA, et ça n'a pas été le cas, puisque dans la foulée, l'année suivante, Lou Reed a sorti son 6e album, donc chez RCA, un disque qui était vraiment le plus sage qu'il ait fait, j'arrive même à me rappeler du titre, oui, Coney Island Baby. Voilà. Alors l'écoute au casque va révéler quelque chose de très intéressant. Il y a un vrai gauche et un vrai droite, strictement séparés. Et donc, a priori, pas de centre. Et c'est plus qu'a priori, c'est vrai. Et là, on se rend compte qu'il y a une composition qui se glisse un petit peu dedans. Lou Reed affirme même qu'il a intentionnellement placé des allusions sonores à des œuvres de musique classique. Et ça, notamment sur deux symphonies de Beethoven, la symphonie héroïque et la symphonie pastorale. Et c'est vrai. C'est absolument vrai. Ça se vérifie en milieu de quatrième face du disque. Alors, évidemment, est-ce qu'on l'entend parce qu'on veut l'entendre? Ça, c'est une question que je laisse en suspens, je n'ai pas la réponse. J'ai cette citation de Merzbow que je trouve absolument belle. Alors, Merzbow, ça, c'est le pape du noise japonais, je ne le rappelle pas ici, ou brièvement. Et Merzbow disait « Le bruit contient toutes les mélodies ». Eh oui, eh oui. Alors, peut-être qu'on pourrait dire la même chose du silence de Cage, hein, d'ailleurs, mais c'est une autre question. Donc, sur cette réflexion-là, s'engage une écoute de l'album de Lou Reed qui mérite d'être considérée pour elle-même. Avant de rentrer à fortiori dedans, je voudrais quand même qu'on fasse de ce disque, parce que c'est très facile de faire de ce disque un proto-genre du noise et de la musique industrielle. C'est ce qu'il a aussi, hein, finalement. Très peu de temps après, Froben Grissel va embrayer le pas en Angleterre. Merzbow, que j'évoquais, s'éveille à la toute fin des années 70. Les premières cassettes défilent en 81. Donc, évidemment, ce disque va mettre volontairement ou pas le pied à l'étrier à une génération qui va pousser le bouchon, d'ailleurs, peut-être mais encore plus radical. Mais conceptuellement, Metal Machine Music doit en fait beaucoup à ses pairs. Et le premier, c'est Lamont Young. Lamont Young, il est même remercié sur les notes de pochette du disque. Nonobstant que son nom soit écorché d'ailleurs, c'est dans la maison, c'est pas à une grande blague générale. Mais Lamont Young, c'est le papa d'une drone musique, mais aussi d'une forme de noise hardcore, spécialement tel qu'il était fait dans le titre et l'expérience en fait qu'il avait réalisé chez la chorégraphe Ann Arprint, alors qu'il résidait encore en Californie, et où associé à Terry Riley, ils avaient créé ce poème for chairs, tables, benches, etc. Donc, ces poèmes, effectivement, pour des tables, des chaises, des bancs, qui étaient déplacés à même le parterre de danse. Ce mobilier était truffé de micros de contact qui, comme vous pouvez l'imaginer, traînaient par terre, donnaient lieu à un tintamarre absolument gigantesque et continu. Et ça, c'est une pièce totalement fondatrice qui va ancrer le mythe de Lamont Young avant même que Lamont Young s'installe à New York. Lamont Young à New York. Et finalement, on va faire retrace un petit portrait de Lamont Young derrière celui de Lou Reed. Lamont Young à New York va vite s'entourer de musiciens, quasi disciples, et qui vont avec lui pousser le bouchon sur ses expériences de transe, de son continu et de bruit. Et parmi eux, parmi les piliers du Theater of Eternal Music, le théâtre de la musique éternelle, hein, qui est donc fondé par Lamont Young, et puis sa compagne, Marianne Zanella. On trouve ni plus ni moins que John Cale et Angus MacLise. John Cale et Angus MacLise sont parmi les deux membres fondateurs du Velvet Underground. Voilà. Alors on remonte évidemment à la boucle et à la source. Dois-je préciser ici que le Velvet Underground est quand même ce groupe campé principalement par John Cale et Lamont Young. Angus MacLise va disparaître très vite, il ne sera même pas là sur le premier album, celui qui est donc Andy Warhol avec Nico, le Velvet Underground, la fameuse pochette avec la banane. Voilà, mais tout ça arrive. Et donc, Lamont influence ces gens-là, y compris Lou Reed. On présente trop facilement... Ce binôme Lou Reed et John Cale, qui étaient amis et frères ennemis à la fois, comme l'un qui était un petit peu voyou rock'n'roll et puis l'autre d'ascendance plutôt classique. Et c'est vrai que John Cale avait fait des études classiques auprès de contemporains, musiciens contemporains, etc. Mais chez Lou Reed aussi, en fait. Et il y avait, alors là, c'est Lester Banks qui le sous-entend dans ses chroniques de Cream. Il y avait peut-être un complexe chez Lou Reed à vouloir justement être bien vu dans un milieu classique, ou en tout cas post-classique et de musique contemporaine. L'histoire dit, elle est partiellement invérifiable parce qu'il y a deux données dont on ne saura jamais laquelle est la vraie ou fausse. Donc à un moment où il faudra pencher d'un côté ou de l'autre. Mais l'histoire dit, et Lou Reed, lui, il dit justement en interview à Lester Banks, que l'album devait sortir sur la division Red Seal de RCA. Red Seal de RCA, c'est l'équivalent d'Harmonia Mundi, ou de Deutsche Grammophon, c'est la division classique de RCA Amérique. Et donc, ce disque de bruit absolu, je le rappelle, devait, à la volonté de Laurie, être édité chez eux. Or, évidemment, la direction d'RCA l'a pas vu de cette regard-là. Et a préféré laisser le disque comme une espèce de galéjade invendable, mais finalement un geste totalement désinvolte et rock'n'roll. Chose qu'effectivement, ce disque est d'une certaine manière. Mais je rappelle que si on peut le présenter un peu hâtivement d'ailleurs comme une espèce de chef-d'œuvre conceptuel, il y a dans Metal Machine Music, il y a quelque chose qui c'est comme la fontaine de Duchamp, si vous voulez. Un acte comme ça, à la fois fondateur et destructeur. Et qui, du coup, va poser les fondamentaux d'autres choses. Oui, mais, est-ce qu'on ne pourrait pas observer Metal Machine Music comme ce qu'il est, c'est-à-dire une véritable œuvre sonore et une véritable œuvre musicale? Et j'en reviens à ce qu'on va écouter maintenant, c'est-à-dire ces 4 fois 16 minutes. Elles sont très intéressantes, ces 16 minutes précises. Pourquoi 16 minutes ? Parce que 16 minutes, ça permet d'avoir un sillon relativement large. Un disque vinyle contient en général une vingtaine de minutes, 22 minutes, et il est dit que le son commence à se détériorer à partir de 23 minutes. Cela dit, on a vu des disques facilement arriver à 28 ou 30 minutes par face, y compris chez Lamonté Young, ou y compris chez Miles Davis à l'époque, sur des morceaux fleuves, comme ça. Or, si vous voulez révéler quand même toute l'ampleur harmonique et puis les fréquences du bas au haut du son gravé dans le sillon, vous avez intérêt à avoir un sillon large. Ce qui fait qu'un maxi 45 tours, par exemple, en club, sonnait largement mieux qu'un 45 tours ou même qu'un 33 tours. Donc, retour sur l'objet du délit et notre objet du désir aujourd'hui, Metal Machine Music, Lou Reed insistait pour que le disque soit justement gravé dans d'exceptionnelles conditions, et ce fut le cas. Vous allez, en écoutant au casque, vous mettre au cœur, effectivement, au centre de cette histoire que j'affirme là, et peut-être y trouver des mélodies, peut-être y dénicher quelque chose. La toute fin du disque, et ça concernait que l'édition américaine, se finit par un sillon fermé. Peu de gens avaient remarqué ça. Et il est ici inscrit dans la version CD, alors réédition de 2001 que j'ai pu avoir, mais alors du bon bien réédité d'ailleurs, heureusement. Et vous entendrez sillon fermé se répéter donc cycliquement sur 1,8 secondes pendant un petit peu plus de 2 minutes. Donc le geste est quand même gardé, ce qui est intéressant. Mais ça nous renseigne aussi sur l'intention du disque, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un disque qui n'avait pas de fin. Et qui renouait justement avec l'expérience éternelle, initiale en tout cas, du Theater of Eternal Music de Lou Reed. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse maintenant à cœur avec ce disque rempli d'amour. Il va simplement falloir un peu aller le chercher derrière tout ce bruit. On en reparlera dans 64 minutes exactement, et on observera un petit peu la descendance qu'a pu engendrer ce disque, parce qu'effectivement, il doit à certains parrains, mais Lou Reed va devenir, plus ou moins malgré lui d'ailleurs, le parrain de quelque chose juste ensuite. Voilà, bonne écoute de ce maudit, méchant, malsain, mais quand même sublime Metal Machine Music de Lou Reed. À tout à l'heure.